Une fin de journée comme les autres, je compte la caisse et la ferme à clé. Prudent, 20 ans de métier, déjà deux fois braqué. Bijoutier, de l'or entre les doigts, c'est ma routine, je m'y attendais pas si tard. Un scooter se garde dans la vitrine. C'est même pas mon scooter, j'ai dû l'emprunter à un ami. De toute façon, j'ai même pas la thune pour passer mon permis. Je me garde devant la boutique, c'est pas ma première fois. Mais c'est la première fois que j'ai un flingue entre les doigts, donc je stresse. Allô chérie, je pars bientôt, j'espère que t'as mis la table. Un texto à ma copine, ce soir, je te ramène une bague. Une partie de la silhouette cachée par les volets de la fenêtre. Je suis prêt, j'enfile mes gants, mon collant sur la tête. Je rentre, il entre. Excusez-moi monsieur, on est fermé. Je me bloque, il est armé, je le vois sortir un Glock. Au sol, je vais te caler, mais de la caisse et tes poches. Dire que ma mère me croyait, un entretien d'embauche. J'ai peur, et lui aussi quand j'y pense. Il a pas l'habitude, pas l'attitude, il a la main qui tremble. Prenez ce que vous voulez, l'agent de l'or, mais s'il vous plaît, faites-y, ferme-la. S'il savait que le chargeur est vide, je vais te tuer. Est-ce que la faim m'a transformé en monstre? Habitué, je lui montre du doigt l'endroit où sont cachés les montres. C'est l'heure, faut pas que je me dégonfle, pas qu'il me dénonce. Les flics me rateront pas, lorsqu'on bat mes démons, je casse et je démonte, je peux plus rentrer. Je suis désolé au fond, mais bon, on a tous nos problèmes. Si c'est pour sauver ma famille, je suis prêt à sacrifier la sienne. Pour me sortir de mes sales draps, j'ai pas le choix, j'ai besoin d'une grosse somme. Je supporte pas qu'on m'ordonne, et au fond y'a pas mort. Ça fait deux fois qu'on vient me voler, chaque fois on râle mais on bouge pas. L'avenir de ceux qui se lèvent tôt est gâché par tous ceux qui se couchent tard. Moi je lui veux pas du mal, bien sûr tout ça c'est pour la thune. J'en ai eu marre de traîner tard le soir, éclairé par la lune. On a tabassé le gars du bar tabac, pas plus tard qu'hier. Il veut des sous, il enlève sa cagoule, je recherche un stagiaire. Je vais pas encore me laisser faire. Me laisser filer, merci bonsoir, respecte mon fusible, pense au fusil derrière le comptoir. Bientôt la fin de l'histoire, je remplis le sac, remplis ma tête de rêve. À deux doigts du tiroir, arrête de bouger ou je te crève. Je sors, alors c'est tout, il va s'en sortir comme ça. Je suis prêt, avec la moitié de ma vie au fond de son sac. Mais c'est simple, enfin la fin de la fin, j'y croyais plus. Je prends mon arme, la charge, et je sors dans la rue. Le scooter peine à démarrer, pas grave, je m'en paierai un bientôt. La vengeance m'ouvre ses bras, l'instant où il me tourne le dos. Cette fois c'est trop, salaud, je lève le bras et vite. Est-ce qu'il le faut? Pas de cadeau. Je prépare mon doigt, j'hésite. Je vais acheter un chien à ma cousine, une voiture à ma femme. Je mettrai bien même ma voisine et tout le quartier en voyage. De nouveaux paysages, fini la galère. Un colis à ma mère, un gros chèque à mon frère, des tas de... Je vois tomber de son scooter, je vois m'en reflet dans la vitrine. Une balle, deux hommes, mais qui est la victime?